les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'école offre-t-elle à certains ce que la société ne leur a pas apporté ? Le choix de la physique. La physique, cette discipline qui lui permit de découvrir que le monde était plus intéressant qu'il ne l'avait perçu jusqu'alors. Édouard Brézin était l'invité, au début des années 2000, de Caroline Brouet pour une série d'Avoix nues. En voici les trois premiers volets cette nuit, à l'école de la République, de la physique avant toute chose, puis les années CNRS. Tout de suite, à l'école de la République, première diffusion sur France Culture le 29 avril 2002. Édouard Brézin, vous êtes physicien, enseignant à l'École normale supérieure, professeur de l'Institut universitaire de France, professeur à l'École polytechnique et membre de l'Académie des sciences depuis 1991. On peut donc dire que votre histoire est celle d'une belle ascension sociale puisque vous êtes né de parents commerçants, juifs polonais, immigrés en France un peu avant la guerre et pour qui l'intégration n'a pas été des plus faciles, surtout au début. Alors vous étiez plutôt un bon élève, mais votre goût de la physique est arrivé assez tard, je crois, à l'école polytechnique, qui vous a ouvert les portes du commissariat à l'énergie atomique, où vous êtes resté pendant plus de 20 ans. Ensuite, les postes à responsabilité se sont enchaînés, puisque vous avez été successivement directeur de laboratoire de physique de l'école normale supérieure, puis président du conseil d'administration du CNRS. Ce sont donc quelques-unes des plus hautes fonctions scientifiques du pays que vous avez exercées, mais vous avez toujours veillé à ce que cela n'empiète pas trop sur votre travail de recherche, qui reste pour vous votre métier principal. Et vous êtes d'ailleurs toujours émerveillé par votre spécialité, qui peut paraître bien obscure pour les profanes, et qui porte sur les changements d'état de la matière. Je disais émerveillé, oui, et d'ailleurs pas seulement, parce que vous n'avez jamais perdu votre capacité d'émerveillement, ni d'ailleurs votre sentiment d'indignation. Et même toutes ces expériences ont renforcé, je crois, votre conception, qui est une haute conception, de la recherche, de la science et de son rapport au monde. Rapport au monde, rapport de la science au monde, qui est très important pour vous, puisque vous êtes notamment convaincu de l'idée qu'il ne saurait y avoir de philosophie pertinente et de culture générale sans connaissance profonde de la science. Ce qui ne vous empêche pas, Édouard Brézin, d'être passionné de musique, d'art et de littérature, c'est-à-dire de vous émouvoir pour toutes les belles choses, en somme. Alors tout d'abord, merci. Merci d'avoir accepté ces rencontres et de nous recevoir ici, dans votre bureau de l'École normale supérieure. Un bureau qui est aménagé à votre image, puisque derrière vous, il y a un grand tableau, non pas noir, mais blanc, où sont écrits des signes que seuls vous et vos collègues peuvent comprendre, et que derrière moi se trouve une grande bibliothèque bien rempli. C'est un peu comme chez vous ici, non ? Oui, je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Il me faut quand même rappeler, avant de commencer, ce commentaire de Pierre Bourdieu sur les universitaires qui racontent sans méthode une vie sans histoire. Et donc, le piège m'est tendu. Je vais y tomber, évidemment. C'est vrai que vous êtes ici dans un lieu que j'aime beaucoup. Il y a des étudiants et des chercheurs qui, les uns comme les autres, dans les deux parties de ma profession que vous rappeliez, comptent énormément dans ma vie, puisqu'il y a le plaisir d'enseigner, c'est la qualité des étudiants, beaucoup plus que ce qu'on enseigne. Et on retrouve ici, évidemment, c'est un incomparable milieu. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par le début, par vos débuts dans la vie. Je pense que, d'une certaine manière, et ce lieu en est peut-être le symbole, vous incarnez les valeurs d'intégration et d'émancipation de l'école républicaine à la française. Alors, pour bien comprendre pourquoi, il nous faut peut-être faire un bond en arrière et remonter au début de votre histoire et à celle de vos parents. Histoire qui est à la fois malheureusement banale pour cette époque, des années 40, et singulière au regard de la nôtre. Alors vous êtes né en 1938, en France, de parents polonais immigrés. Oui, c'est vrai, mes parents étaient tout jeunes gens quand je suis né. C'était après Munich, je crois qu'ils n'avaient aucune illusion sur ce qui se préparait. Ils étaient apatrides, ils avaient perdu la nationalité polonaise, ils étaient sans papiers, ils étaient menacés d'expulsion. Ça ne devait pas être très commode d'avoir un bébé dans les pattes au moment donc où cette crise se nouait. En quelle année sont-ils arrivés en France ? Mon père est arrivé en 36, ma mère un peu avant, elle était plus jeune fille. Et mon père avait traversé l'Allemagne nazie clandestinement. Il avait fui la Pologne parce que il appartenait au Parti communiste polonais qui était interdit. Et quelqu'un de son groupe avait été arrêté, donc il était menacé lui-même. Il est arrivé en France, il est allé voir les camarades qui lui ont dit, qui lui ont reproché de ne pas avoir poursuivi la lutte sur place. Il leur a dit au revoir à jamais. Donc ils étaient dans une situation inconfortable. La guerre a éclaté et en quelque sorte a résolu... Par le vide, par le chaos, leurs problèmes administratifs et leur expulsion. Mon père s'est engagé, comme beaucoup des gens de cette époque, à constituer ce régiment de volontaires étrangers qui a été confié à les légions étrangères, qui n'avaient pas l'habitude de ces gens, qui n'étaient pas tout à fait les légionnaires usuels. Il a été fait prisonnier, comme toute l'armée française en 40, et il a réussi à s'évader avant d'arriver en Allemagne. Voilà des débuts, comme vous le disiez, fréquents, banals, mais tout de même rétrospectivement difficiles. Et vous disiez que votre père était communiste avant de quitter la Pologne et puis qu'il avait fui ce pays. Il en a gardé, je crois, un sentiment assez hostile envers ce pays qu'est la Pologne, de même que votre mère partageait une espèce d'hostilité ou de réticence ou d'amertume, comment le définiriez-vous vis-à-vis de la Pologne ? Ils ont quitté ce pays qu'ils n'aimaient pas, sans désir aucun d'y retourner, sans lien avec le pays. En plus, la guerre avait éliminé la partie de la famille, en particulier de mon père, qui était resté. Ils étaient tous morts à Auschwitz. Ils avaient donc rompu à jamais avec ce pays. Et en particulier, mes parents ne m'ont jamais appris le polonais. Je le regrette. J'ai appris péniblement le russe quand j'étais adulte. Ça m'aurait sans doute facilité la vie. Vous parliez français dans la famille ? Ils parlaient français. Leur meilleure langue commune était le yiddish, mais ils tenaient à parler français. Ils parlaient un français mauvais, avec un accent fort, mais ils avaient décidé que c'était leur langue et leur pays. Et c'est vrai que le fort antisémitisme très répandu en Pologne... Le fait que même après la guerre, où la communauté juive avait été réduite à néant, il en restait 1%, quelque chose comme ça, il faut quand même savoir qu'il y a eu un pogrom en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois qu'ils ne leur pardonnaient rien. Et non, c'est vrai que la Pologne a beaucoup souffert et qu'il faut avoir un sentiment un peu plus mélangé, mais je vous... retrace le sentiment de mes parents plus que les miens. Donc voilà leur arrivée en France. Alors l'épreuve de la guerre fut bien entendu très rude pour votre famille proche, d'autant qu'on l'a dit, ensuite d'être polonais, vos parents étaient juifs et que sans l'aide de quelques paysans courageux, vous ne seriez peut-être pas là aujourd'hui, Édouard Brézin. Oui, nous avons été par beaucoup de gens, La France, comme on le sait, était très divisée. Il y avait à la fois à Vichy, des Xavier Vallat, des Darquier de Pellepoix, qui enfin réalisaient leur vœu le plus cher. Il ne faut pas se représenter, quelquefois, les gens ont le sentiment que le pouvoir de Vichy, à son corps défendant, a passé des lois antisémites parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils avaient les Allemands dans le dos. Les gens qui ont fait ce travail, en réalité, ont enfin réalisé le rêve de leur vie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et le voir. Donc, ça, c'était la partie de la France noire. Et puis, il y avait cette partie de gens courageux qui nous ont cachés, qui évidemment prenaient un risque. Mes parents avaient un accent très fort et tout le monde dans le village savait de quoi ils retournaient. Et donc, une simple lettre anonyme aurait suffi à, aussi bien les gens qui nous cachaient que nous-mêmes, à tous nous envoyer à notre fin. Il est resté les bons cas. La communauté à laquelle j'appartenais, celle donc des juifs étrangers, a quand même rudement souffert, puisqu'il en est resté la moitié. Alors c'est mieux que dans d'autres parties d'Europe. La communauté juive hollandaise a presque entièrement disparu, pour prendre un exemple. Donc, ce, ce seulement 50%, si j'ose dire, tient à beaucoup de gens honnêtes et courageux en France et auxquels nous sommes redevables d'être là. Et ça a marqué très fort mes parents, leur ancrage dans ce pays, leur... Bon, cet épisode de la guerre les a beaucoup transformés aussi. Mes parents n'étaient absolument pas religieux, ni l'un ni l'autre, et j'ai jamais entendu parler chez moi de du moindre épisode religieux, même traditionnel. Beaucoup de familles gardent des traditions, on marque Yom Kippour, quels que soient les sentiments qu'on peut en avoir, ou Pâques, ou... rien de tout ça chez moi. Mes parents, pour eux, la religion leur paraissait une abomination. À tel point que votre grand-père paternel, je crois, n'a pas parlé à sa fille pendant un an, quand elle a su dans quelles circonstances sa fille avait eu son petit-fils. Oui, alors mes parents ont décidé de ne pas faire la circoncision traditionnelle dans des familles juives, parce qu'ils estimaient que c'était une coutume barbare et inutile. Et religieuse, dont il ne voulait pas admettre. Évidemment, mon grand-père maternel trouvait que c'était inadmissible de faire ça. Donc, je crois que mes parents, s'il n'y avait pas eu la guerre, qui leur a donné une espèce de vision très pessimiste du monde, du fait que on ne pouvait pas échapper à cette malédiction, quoi qu'il arrive, que la bête immonde dont parlait Brecht était toujours là, prête à renaître... de ces mille têtes, c'est ça le sentiment qui est resté, c'est le seul lien, je dirais, avec ce qu'on appelle le judaïsme. C'était un destin malheureusement inévitable pour des raisons incompréhensibles, mais néanmoins certaines. C'est cela qui a changé entre la période d'avant la guerre et la période d'après la guerre? Oui, je crois, je pense assez volontiers que, ayant rompu avec la Pologne, rompu avec des traditions religieuses qui leur paraissaient exécrables, ils auraient volontiers oublié tout cela. Ils n'étaient pas des juifs honteux, ils étaient très intégrés dans une communauté de destin, en particulier la guerre, qui a fondé une communauté de survivants. Je pense que cette référence aurait disparu de plus en plus s'il n'y avait pas eu ce sentiment de la guerre et du fait que ceci pouvait se reproduire. Alors en 1946, le 1er janvier, je crois, vous rentrez à Paris avec vos parents, vos deux parents bien vivants. Comment votre famille a-t-elle alors réussi à s'intégrer à la société française? Quel métier faisaient vos parents et comment vous avez vécu cette période de l'après-guerre, Édouard Brézin? Bon, mes parents, mon père a toujours travaillé dans les métiers de la confection de vêtements pour hommes. Il est donc devenu indépendant après la guerre. Il a monté un commerce. Confection de vêtements pour hommes. Oui, une confection de vêtements. Mais commerce, c'est-à-dire qu'il y avait un atelier, il coupait, on donnait à l'extérieur, il y avait des entrepreneurs. Qui assemblait tous ses vêtements coupés. De temps en temps, mon père m'emmenait chez ces gens. C'était très émouvant parce que c'était des ateliers dans des espèces d'immeubles perdus du sentier de la République, très misérables, mais où les gens étaient des ateliers de survivants. C'était des ateliers de gens qui avaient tous ce même destin, qui avaient perdu presque toute leur famille dans les désastres, et qui se ressoudaient là ensemble, essayaient de survivre et de continuer. Donc j'ai gardé un souvenir assez vif de ces gens. Donc mes parents ont monté ce commerce, ma mère travaillait avec mon père, et moi j'ai vécu des jours faciles à l'école Charles Baudelaire d'abord, qui est derrière le faubourg Saint-Antoine, et donc... L'après-guerre... C'était une vie plutôt confortable. Toute la France vivait une vie matérielle difficile. C'est l'époque où la France, cette fois-ci c'est pas nous en particulier, la France vit avec des tickets, c'est l'époque où à Paris, il y a peut-être 10% des appartements qui ont une salle de bain et encore, nous n'en avions évidemment pas. Vous voyez donc, quand toute j'en parle... Toutes proportions gardées. Oui, c'est ça, voilà. Nous étions... par rapport à la population moyenne, dans une tout à fait sans problème, mangeant à notre faim. C'était pas la richesse, mais il y avait aucun problème matériel particulier. Mais la France était très pauvre. Et quand je racontais que la première orange que j'ai pu avoir voir et dont j'ai souvenir, j'avais 10 ans. Vous voyez, les premiers gâteaux, tout ceci n'est réapparu que très tard. On s'en rend pas compte. Donc les premiers livres, j'ai souvenir d'avoir attendu chez le papetier qui était en bas de chez moi. Il y avait plus de livres pour les enfants. Donc les Trois Mousquetaires, je les ai lus dans des livraisons qui arrivaient toutes les semaines, par petits fascicules, et je peux vous dire que ça me faisait une heure le jeudi, puisqu'à l'époque, on n'allait pas en classe le jeudi, et qu'on attendait le fascicule suivant avec une émotion et une intensité dont personne n'a idée aujourd'hui. Donc voilà, mais c'était la France en général, c'était pas nous en particulier. Vous nous disiez tout à l'heure, Édouard Brézin, que vos parents vous avaient transmis une éducation qui n'était pas du tout religieuse. Quels sont vos rapports aujourd'hui à la judaïcité ? Est-ce que, par exemple, vous partagez ces réflexions du mathématicien Laurent Schwartz, qui dans son livre « Un mathématicien aux prises avec le siècle » écrit, je le cite, « Mes parents étaient athées, je l'étais aussi, et je ne me suis jamais vraiment senti juif ». Il est bien évident que l'on peut retrouver dans mon caractère toute une série d'aspects de la tradition juive. Mais je ne me sens toujours pas juif. Je n'ai jamais accordé la moindre attention dans le choix d'une relation au fait de savoir si l'intéressé était juif ou non. Toutefois, nous le sommes tous devenus un peu depuis la Shoah. Nous sommes évidemment solidaires de tous les juifs qui en ont été les victimes, et nous avons bien senti pendant la guerre et après la Shoah que nous appartenions à une même communauté qui supportait les mêmes épreuves. Oui, je crois que j'irais beaucoup de choses parallèles avec ce que dit Laurent Schwartz, qui est un homme que j'admire et aime beaucoup. Lui se pose la question de savoir si la tradition juive a pu influencer, sans qu'il en soit conscient, son caractère. C'est une question que je ne me pose pas. Je n'en vois aucune trace, ou en tout cas, je ne vois pas pourquoi je me poserais cette question. La seule chose que j'ai gardée de ce passé, c'est cette espèce de certitude dont je parlais tout à l'heure pour mes parents et que je partage, ils sont plus là, mais moi je j'ai toujours, c'est-à-dire ça ne rentre en rien ni dans mes amitiés, ni dans mes choix, ni dans mes déterminations. Je ne vois pas en quoi ceci a influencé quoi que ce soit dans mon destin actuel après la guerre. Mais je sais bien que ceci, ce que nous avons connu, peut renaître. Et je n'ai pas envie de laisser ma vie être commandée par cette possibilité. Donc, en gros, c'est une référence qui ne rentre nulle part dans ma vie. Je n'ai pas, à part l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de tradition, je n'ai pas de langue, je n'ai pas de culture en rien liée à cette origine, simplement la certitude que l'horreur peut renaître. Alors je disais en commençant cette émission que vous êtes, Édouard Brézin, un pur produit de l'école républicaine, parce que c'est notamment grâce à l'école que vous, fils de petits commerçants juifs polonais immigrés, vous avez progressivement gravi les échelons pour accéder aux plus hautes fonctions scientifiques de la société française. Je crois que justement, c'est votre instituteur qui est venu voir vos parents quand vous étiez en petite classe pour leur dire qu'il fallait absolument que vous passiez l'examen d'entrée en sixième. C'est bien ça ? Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était pas automatique. Il y avait peu de gens qui passaient des écoles communales au lycée. On disait pas encore le collège. Il fallait un examen pour entrer en sixième. Mon père a souhaité pendant très longtemps que je travaille avec lui. Il souhaitait que je l'aide, que je l'aide à développer son activité commerciale ou artisanale. Dans ces conditions, c'est donc effectivement l'instituteur qui a fait le démarche de venir voir mes parents. Et voilà, donc je suis rentré au lycée le plus proche de chez moi, qui était le lycée Charlemagne, où j'ai eu une éducation que j'ai beaucoup aimée, c'est vrai, qui, si j'en crois, enfin si je reprends la célèbre parabole maoïste, mais peu importe, qui m'a non seulement apporté du poisson, mais appris à pêcher, c'est-à-dire j'y ai développé des goûts personnels, et j'en tiens pour preuve l'année où j'ai atteint donc la fin de cette période de lycéen. J'avais un peu moins de 18 ans, j'ai rencontré une jeune fille avec qui je vis encore. Elle venait d'un milieu cultivé, aimant, qui apportait très attentif à l'éducation de leur fille, et moi donc du mien, avec des parents aimants, mais dont les références étaient très différentes. Et nous avions exactement le même passé culturel. Nous avions lu les mêmes livres, nous étions allés indépendamment dans les mêmes ou même messes de Jean Villard au TNP, voir les mêmes ballets béjart débutants, tous les mêmes concerts éventuels. Donc tout était semblable et nous avait été apporté non pas en classe, mais par cette éducation qui nous avait donné ce goût, cette volonté, c'est... Et donc, vous voyez, à 17-18 ans, l'école, et ce qu'elle avait entraîné, induit en quelque sorte, avait entièrement réussi, je crois. Enfin, ça paraît vaniteux de dire réussi, mais m'avait apporté en tout cas ce dont je suis très heureux, des goûts qui me sont restés. Et évidemment, tout le monde s'interroge pour savoir est-ce que l'école a gardé évidemment ce rôle. Pour moi, l'essentiel de ce qu'on doit demander à la justice sociale, c'est évidemment l'égalité des chances. Je crois que l'école que j'ai connue l'a donnée à certains, c'est vrai, à très peu. Le nombre de personnes qui poursuivaient au lycée, le nombre d'enfants qui poursuivaient de l'école communale au lycée était une toute petite fraction, alors qu'aujourd'hui c'est tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que le tout le monde a une égalité des chances renforcée par rapport au très petit nombre que nous étions. Enfin, ce sont des problèmes qui me dépassent, très difficiles, mais c'est clair que c'est un des soucis que tout le monde a sur la société française actuelle. Mais justement, comment, compte tenu de votre histoire et de votre parcours, comment vous situez-vous dans le débat récurrent sur l'école, en particulier celui qui a récemment opposé ce qu'on a appelé les républicains face aux pédagogues, c'est-à-dire les partisans de l'institution républicaine avant tout destinés à transmettre des savoirs, tels peut-être que vous en avez bénéficié, et d'autre part les tenants de son adaptation aux nouvelles réalités sociales, disons. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai débat d'importance, que le débat est mal posé, que c'est une vaine polémique ? Je crois que c'est un débat essentiel. Je crois vraiment que l'avenir de notre société dépend de la qualité de l'école, de son aptitude à s'écarter de la violence. Là où il y a violence, il n'y a plus d'école. De son aptitude aussi à convaincre les enfants qu'ils sont concernés. Je crois que le geste essentiel de la pédagogie de l'éducation n'est pas le moment où vous apprenez une chose, mais où vous apprenez à l'enfant que ça le concerne explicitement, que c'est lui, qu'il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, mais qu'il travaille pour lui, pour son enrichissement, pour son avenir éventuellement. Donc, que dire ? J'ai vu progressivement une déviation, par exemple, entre ma génération et celle de mes enfants. D'un seul coup, les parents, et j'en étais, se sont mis à intervenir dans les études de leurs enfants, alors que ça n'existait absolument pas dans ma génération. Ni pour moi, bien sûr, ni pour donc ma femme, ses parents auraient pu l'aider à faire, une dissertation ou un devoir de maths, ce qui n'était pas mon cas. Ça ne se faisait pas dans notre génération. L'école le faisait. Alors que vis-à-vis de quand je me suis retrouvé parent, quand nous nous sommes retrouvés parents, eh bien tout le monde essayait d'intervenir sur l'éducation des enfants. Il y avait déjà une perte. L'école n'avait plus sa fonction globale, totale, égalisatrice. Je crois qu'il faut arriver à écarter les parents le plus possible et à Enfin, j'en parle, je ne devrais pas en parler, je ne suis pas placé aux réalités pédagogiques dans les lieux d'éducation difficiles, et donc je ne devrais pas en parler, mais c'est la nostalgie, certes, qui me fait parler, la nostalgie de ce que j'ai connu et aimé, et que... Bon, vous m'interrogez sur moi, il est clair que ça n'a de sens que si on se rend compte qu'il y a eu tout un groupe, toute une génération que j'ai connue de gens qui ont fait des professions semblables à la mienne, par exemple, qui avaient, à des variations infinitésimales près, le même destin. Et donc l'école leur avait à chaque fois apporté... pleinement ce que la société ou les difficultés ne pouvaient pas leur apporter. C'était À voix nue à l'École de la République, premier volet d'une série d'entretiens qu'Édouard Brézin avait accordé à Caroline Brouet. Première diffusion le 29 avril 2002 sur France Culture. Tout de suite, voici le deuxième entretien, de la physique avant toute chose. Édouard Brézin, dans notre premier entretien, vous avez rappelé vos origines juives polonaises et montré à quel point vous avez gardé de l'éducation républicaine que vous avez reçue une foi sans faille en la laïcité et peut-être la conviction de l'importance du principe d'égalité des chances. J'aimerais aujourd'hui que vous nous parliez de votre choix de la physique. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez été amené à décider que vous feriez de la physique votre profession ? Est-ce que c'était par exemple à l'école polytechnique que vous avez intégré après des années préparatoires au lycée Condorcet ? C'est effectivement à la fin de l'école polytechnique. Je dois vous dire que l'école polytechnique a été une déception terrible. J'ai bien aimé les classes préparatoires, enfin moins l'année du concours, mais la première année, j'aimais tout ce que je faisais, j'étais très content. Et puis, je me suis retrouvé dans une école où l'enseignement était épouvantable. J'avais un professeur de chimie fou, qui croyait à la transmutation par les plantes, qui voulait peser l'âme des souris, enfin n'importe quoi. J'avais un professeur de physique... qui n'avait pas réussi comme directeur des études et qu'on avait mis comme professeur de physique, il n'était pas du tout physicien, un brave homme au demeurant, mais enfin complètement hors sujet, et donc rigoureusement rien ne me destinait à choisir devenir physicien. On m'aurait beaucoup étonné dans mes débuts dans cette école si on m'avait dit ça. Et puis... un hasard, pas tout à fait le hasard, un livre venait de sortir chez Luneau, qui s'appelle « Mécanique quantique », les étudiants en physique du monde entier après ça ont lu, un livre d'Albert Messia. Je connaissais ni le nom, ni le sujet, et évidemment c'est aucun de mes enseignants qui m'a enseigné ce livre, mais un de mes camarades, qui d'ailleurs a été... l'un des grands amis de ma vie, hélas disparu, qui est un grand physicien, qui s'appelait Claude Hitzigson. Et donc, nous avons découvert ce livre, et ça a complètement changé toute mon approche. J'ai trouvé que le monde était absolument incroyablement plus intéressant et complexe que je ne l'avais perçu. Et j'ai commencé à me dire que peut-être que je devrais faire la physique. Vers la fin de l'école polytechnique, il y a toujours des amphis retapes, comme on dit. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent des grandes entreprises, publiques, privées, pour vous dire, venez chez nous, on manque de bras. Et un jour, le commissariat à l'énergie atomique, dont je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que le commissariat, a envoyé quelqu'un pour un amphi retape, qui était Albert Messia. Donc je me suis précipité, j'étais en train de lire son livre, c'était le Dieu pour moi, le Messie. Et quand il nous a dit « Venez chez nous, on a besoin de chercheurs », je me suis précipité. Et donc voilà ce qui a décidé donc de ma vie. Il faut se rendre compte que la France cherchait à reconstruire sa recherche. Je suis rentré au commissariat donc en 63. Dans un petit groupe jeune de physique théorique, merveilleux, la recherche française avait été en physique, n'existait pas beaucoup dans les années 50. il ne restait presque plus rien. Vous savez, en France, quand les choses ne vont pas, on a toujours l'habitude, non pas de les réformer, mais de créer d'autres choses à côté. Alors, l'histoire de la recherche en France commence avec une sclérose universitaire dans tous les domaines scientifiques qui fait que, juste avant-guerre, sous l'impulsion des Perrin et de Frédéric et Irène Joliot-Curie, et d'autres, on crée le CNRS parce que l'université est absolument incapable de conduire la recherche. Et le premier cours de mécanique quantique en France est celui que donne Albert Messier à Saclay, donc qui n'a rigoureusement rien à voir avec une université. Et les universitaires, par exemple les gens de l'école normale où vous m'interrogez en ce moment, les gens comme Cohen Tanuji, le célèbre physicien aujourd'hui prix Nobel, va suivre les cours d'Albert Messier pour apprendre la mécanique quantique, ainsi que tous les gens de sa génération. Donc, la France était un grand vide, c'était sans doute vrai dans toutes les disciplines. Jacques Monod, par exemple, dans ses mémoires, raconte sa stupéfaction quand il est nommé comme professeur à la Sorbonne, d'ailleurs avec l'appui d'autres disciplines, si je comprends bien, que la sienne. Il découvre l'inexistence, l'absence de recherche, l'absence de laboratoire. Et en gros, je suis la première génération qui, en France, n'est pas obligé de quitter la France pour apprendre la physique contemporaine. Tous les jeunes gens qui avaient 50 plus que moi, que je trouve dans ce service de physique théorique de Saclay, c'était un milieu absolument merveilleux, tout le monde était jeune, les plus vieux avaient 35 ans, étaient tous partis. Alors où partaient-ils pour se former ? Où partaient-ils ? Alors c'était assez varié, intéressant. L'un d'entre eux, Raymond Stora, un de mes bons amis, un très bon physicien, était parti étudier avec un grand physicien qui s'appelle Schwinger au MIT. Un autre, Cyrano de Dominici, était parti à Birmingham, où il y avait un grand physicien anglais, enfin un réfugié du nazisme, qui s'appelait Rudolf Peierls, un grand homme. D'autres étaient allés à Nordita, d'autres à Berkeley. Maurice Jacob, qui était dans ce groupe, était allé à Brookhaven, étudié avec quelqu'un qui s'appelle Giancarlo Vick. Donc tous ces gens avaient fait leur thèse à l'étranger, et en quelque sorte j'en ai profité. Moi je suis arrivé là, et j'ai pu avoir, même merveilleux parce qu'ils n'avaient que quelques années de plus que moi, donc les contacts sont toujours plus faciles quand les âges sont proches. Mais c'est ça, tous ces gens formés à l'étranger constituaient à leur retour en France un vivier pour vous, jeunes. Vivier merveilleux, et donc moi j'ai travaillé dans un groupe de gens de très très grande qualité, et où il y avait donc des gens de ma génération, Claudie Sixon dont je parlais tout à l'heure, et quelques autres, et j'y ai passé des années heureuses, mis à part enfin, je suis allé souvent à l'étranger aussi quand même pendant ces années, tous les scientifiques voyagent, je suis parti en post-doc, comme on dit. Après votre thèse donc? Après ma thèse, je suis parti à Princeton, qui a été un moment important parce qu'il venait de se passer des choses considérables en physique, et puis, on en reparlera sans doute, mais le CNRS a joué un rôle extrêmement important dans cette renaissance de la recherche en France. Et puis De Gaulle aussi, qui voulait insuffler une politique de recherche en France dans ces années 60. Oui, De Gaulle était convaincu que la grandeur de la France passait par la qualité de sa recherche. Puis, bien évidemment, il y a toujours eu cette dualité. La physique a toujours vécu, il faut être clair, dans un rôle dual où, quelque part, le fait qu'il y ait des perspectives militaires n'était pas étranger à la volonté de développer la recherche. Alors c'est pas le cas du le commissariat énergie atomique a deux branches, l'une civile, l'autre militaire, c'est là dont je vous parle, civile, qui sont complètement coupées l'une de l'autre. Les budgets sont même différents, des ministères différents, il n'y a pas de confusion. Donc il faut être honnête, il y a eu un effort massif de développement d'une grande recherche publique pour des raisons qui ne sont pas exclusivement petites, militaires ou intéressées. Donc il faut que je garde mesure dans tout cela. Donc en 1971, vous le disiez tout à l'heure, vous effectuez un voyage à Princeton, vous restez quand même quelques mois. Oh, plus qu'un an, plus oui. Que, oui, quelques, de longs mois. Oui. Et vous faites donc la connaissance là-bas, à Princeton, d'un Américain de renom dont les travaux ont bouleversé la physique, on peut dire. Cet Américain, c'était Kenneth Wilson. Oui, alors à l'époque, son renom n'avait pas dépassé quelques villes universitaires, il n'était pas très connu du tout, mais il venait de faire un travail qui avait l'air important, mais difficile à comprendre. Il avait été invité à Princeton, j'étais là, donc il avait été invité par le département de physique dans lequel j'étais à présenter ses travaux dans un séminaire. Il avait répondu, mais je suis pas capable de raconter en une heure ce que je viens de faire. Et Princeton avait eu l'ouverture d'esprit de lui dire, eh bien, tu viens et tu parles autant que tu veux. Et donc, j'ai fait partie des spectateurs privilégiés qui, pendant, je ne sais plus, une vingtaine d'heures, ont écouté Kenneth Wilson développer ses nouvelles idées qui, effectivement, ont beaucoup bouleversé le monde de la physique, aussi bien la physique de la matière condensée, comme on dit, des changements d'état dans la matière, que la physique des interactions microscopiques, des particules élémentaires, comme on dit, c'est des grandes forces. Donc ça a été un travail essentiel. Il a eu le prix Nobel dix ans plus tard, je crois, en 81 ou 82. C'est quand même une des grandes contributions, une des grandes percées théoriques de cette fin du XXe siècle. Est-ce que justement, là je reviens un tout petit peu en arrière, est-ce que des physiciens comme le prix Nobel de 1965, Richard Feynman, ont également contribué à l'essor de la physique dans les années 60, comme peut-être un peu plus tard Kenneth Wilson ? Oui, oui, écoutez, il y a eu beaucoup de très grands hommes. Le XXe siècle a été très riche, et la deuxième moitié du XXe siècle, autant que la première, à mon sens, où les noms de Bohr, Heisenberg, Schrödinger sont connus du public, la deuxième moitié est marquée par, vous citiez des gens comme Feynman, Gell-Mann, quelques très grand chercheur, Feynman en 1948, ainsi qu'un autre grand physicien qui s'appelait Schwinger, qui était professeur à MIT, ont complètement résolu un des grands problèmes de la physique qui réconciliait la mécanique quantique et l'électromagnétisme de Maxwell et la relativité tout ensemble. Merveilleux travail qui a effectivement marqué, mais ça date de 1948, leurs premiers travaux théoriques. Le prix Nobel est arrivé là, en 1965. Donc il y a eu beaucoup d'événements importants. Certains s'imaginent que la physique, il y a tous les 50 ans une découverte et qu'entre-temps, il ne se passe rien. C'est pas du tout comme ça. C'est un espèce de jaillissement continuel. Et évidemment, il faut le recul du temps pour savoir où sont en définitive les collines et où sont les pics et les montagnes. Mais il y en a eu beaucoup. C'est une période très riche. Donc Wilson a joué un rôle important. Feynman encore beaucoup plus. Je crois que là, cette fois-ci, c'est le maître de beaucoup de façons de penser dans le domaine de la physique théorique. Oui. Alors vous, Édouard Brézin, dans le sillage de Kenneth Wilson, vous avez participé au travail du groupe de renormalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en essayant d'être le plus clair possible, si c'est possible, de ce travail? Oui, alors le groupe, c'est pas un groupe de gens, c'est un groupe au sens mathématique. Il s'agissait, dans l'esprit de Wilson, d'une révolution conceptuelle intéressante que je vais essayer d'expliquer. Lorsqu'on regarde le monde subnucléaire, on est obligé pour ça de prendre des accélérateurs, de taper très fort sur les particules pour arriver à regarder à l'intérieur. Donc on descend à des échelles microscopiques, je vais dire un mot, j'espère que ça parle à certains des auditeurs, quelque chose comme 10 à la puissance moins 15 centimètres, c'est vraiment très... Bon, c'est ça la limite. Et donc, on a le sentiment que on descend vers les très courtes distances ultimes, celles dont on a besoin pour comprendre, par exemple, le Big Bang et la naissance de l'univers. Or, Wilson arrive et il dit... mais vous n'avez rien compris, ces distances microscopiques en réalité sont gigantesques par rapport à des distances encore plus petites où on ne sait absolument pas ce qui se passe, c'est vrai, on ne sait toujours pas. Et donc, dans ces conditions, ce que nous voyons lorsqu'on fait des expériences au CERN, par exemple, sur ces grandes machines, c'est une espèce... Vous croyez peut-être que ce sont des très courtes distances, mais ce sont des très longues distances par rapport à un monde qui nous reste caché, inconnu, dont on ne sait rien. On ne sait pas ce que c'est que la structure de l'espace-temps à très courte distance. Donc, on est à grande distance, et l'image d'un monde à grande distance, eh bien, c'est l'image de la matière condensée dans laquelle on regarde un petit morceau de matière, et même s'il est tout petit, même s'il n'a que des microns comme taille, en réalité, par rapport aux échelles atomiques, on sait bien que un micron, c'est 10 000 fois les distances interatomiques caractéristiques. Donc, il y a des milliards d'atomes dans le moindre morceau de matière. Et donc, c'est la même chose. Dans la matière condensée, on est aussi à grande distance. Et donc, ici produit ces phénomènes de renormalisation, c'est-à-dire d'intégration d'échelles, partant d'échelles microscopiques inconnues, pour arriver finalement à ce qu'on observe, qui est la matière condensée dans un cas, la physique des particules élémentaires dans l'autre. C'était une révolution conceptuelle essentielle, je crois pas que j'ai réussi à la faire sentir aux non-physiciens, mais qui pour nous a changé complètement la façon de voir, de calculer. On a su faire des choses que jusque-là on ne savait pas calculer, mesurer, comparer avec l'expérience. Et ce prix Nobel n'a été remis en question par personne. À partir de là, vous avez continué à travailler, vous, dans le domaine des changements d'état de la matière, oui. pendant très longtemps, puisque au département de physique théorique du commissariat à l'énergie atomique de Saclay, vous êtes resté plus de 20 ans. Donc vous avez eu le temps de travailler sur ces questions-là. Oui, donc cette nouvelle méthode avait ouvert la porte vers, je vous dis, des compréhensions de la matière qui jusque-là nous étaient restées cachées. C'était une nouvelle façon de penser les choses. C'était une nouvelle façon de penser les choses. On abordait les problèmes que jusque-là on n'était pas capable de résoudre. On pouvait expliquer, prédire que la physique consiste à commencer par expliquer, on pourrait être sûr qu'on a bien compris, eh bien, il faut prédire là où on a simplement, oui, au départ, on est en retard, il y a des expériences, on les comprend pas, puis on commence à reproduire certaines, et pour être certain qu'on a compris, on en prédit d'autres. Et c'est là, c'est toujours cet échange entre théorie et expérience qui est caractéristique de la science, et donc qui là a été particulièrement à l'œuvre. Et donc, j'ai passé effectivement beaucoup d'années sur ces problèmes de changement d'état, de temps en temps relatif à la matière condensée, de temps en temps relatif à ce problème plus microscopique de particules élémentaires dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il s'est passé bien d'autres choses. Hein. Kenneth Wilson n'est pas le seul. La seule chose qui s'est passée. Ça a été les années 70-75 ont été des années d'explosion. Si vous voulez, a posteriori, on se rend compte que ça a été décrit par des épistémologues, mais il y a des phases étales et puis il y a des phases de rupture où il se passe des choses partout. Et donc entre 70 et 75, il s'est passé des choses absolument partout et des problèmes entiers qui paraissaient impossibles à résoudre quand j'étais débutant, d'un seul coup, miraculeusement, étaient résolus. J'étais très heureux de participer à ça, car le plaisir de la recherche, le plaisir de la physique, enfin de la recherche en général, pour moi, en tout cas, on est très heureux quand on a apporté sa petite pierre, mais c'était de faire partie de ce groupe qui, collectivement, faisait avancer les choses. Ce sentiment collectif dans lequel nous arrivions tous ensemble à avancer, et à abattre des pans entiers de mystères devant lesquels nous étions, qui paraissaient insurmontables au départ, c'est un plaisir très fort. Et donc, de temps en temps, ça consiste à comprendre, à parler, et puis de temps en temps, à faire soi-même un peu quand on peut. Mais voilà. Et après 20 ans, alors, vous avez éprouvé le besoin d'aller voir ailleurs, ou c'est qu'on vous a appelé? Je crois que c'est qu'on vous a appelé. Oui, Georges Poitou, qui était directeur de l'École normale supérieure, vous a proposé la direction des laboratoires de physique, c'est ça? Oui, je crois que Georges Poitou avait le sentiment qu'il fallait quelqu'un d'extérieur, à l'intérieur des laboratoires de physique, qui sont des laboratoires, il y a des gens merveilleux, il y avait un peu le côté de Guermantes et le côté de Méséglise qui ne se mélangeaient pas, et donc on avait besoin de quelqu'un qui n'était d'aucun côté, et donc il est allé chercher quelqu'un de complètement extérieur, j'ai été très heureux de venir ici. Ça m'a intéressé d'avoir cette nouvelle vie. J'ai fait ça pendant 5 ans, et j'ai été très content de je, de bon, pouvoir je avoir cette expérience. Mais oui. En 1986, quand vous arrivez, les laboratoires de physique ont besoin d'être développés. Ils existent déjà comme entité ils existent, efficace, ils sont très disons. Bons. Oui. Ils existent, ils sont très bons. Mais on a besoin de faire place à des disciplines nouvelles qui ont trouvé vaguement leur place, mais qui ont besoin quand même d'être affirmés, renforcés. Nous participons à la création d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique statistique, qui compte maintenant, je sais pas, près d'une centaine de membres avec les thésards, et qui est un des grands laboratoires français. Et donc ça fait partie des choses qu'il fallait mettre en place. C'était pas tout seul, bien évidemment, mais pour lequel il m'a paru indispensable d'appuyer cette création. Donc ça c'était important. Et bon, les laboratoires maintenant sont plus effectivement plus développés, plus diversifiés. Ça a permis, si vous voulez, il y a beaucoup de directions nouvelles. Ça a permis d'abord d'autres types de contacts entre expérimentateurs et théoriciens. Et ça a permis également d'avoir plus de liberté lorsque certains physiciens décidaient d'aller regarder des objets complètement différents des objets traditionnels, qui n'étaient ni de la physique atomique, ni de la physique du solide, mais des objets biologiques, ou bien de comprendre du point de vue physique la mécanique du frottement, de l'adhésion, des choses comme ça qui étaient complètement hors du champ des disciplines traditionnellement admises, et donc là trouver leur place et leur justification. Est-ce que le fonctionnement de ces laboratoires correspond à ce que vous avez vécu dans les années 70, c'est-à-dire un fonctionnement international, cosmopolite? Est-ce que les équipes qui travaillent ici sont des équipes nationales, ou est-ce que vous travaillez en relation avec des laboratoires de physique à l'étranger? Oui, alors là, la recherche est très internationale partout, mais particulièrement ici. Si vous allez dans les groupes de recherche, vous y verrez que on y parle toutes les langues. Il y a des gens qui viennent de partout. L'Europe là a joué un rôle très positif. L'Europe a beaucoup accru la mobilité au sein de l'Europe et les possibilités. La France est très pauvre en possibilités d'accueil, et en particulier de ce qu'on appelle post-doc, des jeunes juste après la thèse qui jouent un très grand rôle. Et l'Europe nous a donné des moyens qu'on n'avait pas. Et sur ce plan-là, bon, l'Europe des sciences est souvent un tout petit peu, un peu lourde à manier et pas toujours terriblement efficace. En revanche, sur les problèmes de mobilité de jeunes chercheurs, elle joue un rôle absolument essentiel aujourd'hui. Donc, si vous allez ici, vous verrez absolument toutes les nationalités, soit de manière temporaire, soit de manière permanente. La France est un pays qui accueille des chercheurs, mais qui est très contente de profiter de la venue de chercheurs internationaux qui, lorsqu'ils décident de s'installer ici et qu'ils sont bons, ce qui est souvent le cas, est une richesse formidable. Je crois que le CNRS actuellement, alors je ne sais plus quels sont les derniers chiffres, mais dans ses effectifs de recrutement, enfin dans les recrutements nouveaux permanents, doit recruter près de 20% d'étrangers. Européens, bien sûr, et là c'est l'Europe, c'est normal, mais il y a eu beaucoup de Russes à cause des désastres de la science russe après la chute du mur, où il n'y avait plus d'argent, donc ils ont été obligés de partir s'ils voulaient continuer à rester scientifiques. Donc la France en a accueilli un certain nombre, et qui participent à la richesse scientifique française. Hein. C'est pas de l'accueil humanitaire, ce sont des gens de très haut niveau. Donc des Russes, et puis des Sud-Américains, et de toutes les Chinois, il y a des gens de partout qui sont là, et c'est essentiel. C'est vrai que dans une discipline donnée de la physique, par exemple la mienne, en physique théorique, nous sommes un peu comme, j'imagine, les joueurs de tennis qui n'arrêtent pas de bouger, mais c'est toujours les mêmes. En réalité, nous sommes tous un peu comme ça, c'est-à-dire un tout petit milieu, on se connaît tous de par le monde, on sait ce que font tous nos collègues à Rome, à Londres, à Nordita, à Boston. Ça fait partie du plus plaisir de la profession, de sa richesse. Mes amis ne s'analysent pas en termes de passeport. Je trouve ça absolument fascinant. J'ai un souvenir, pour essayer d'illustrer ça, j'ai un souvenir d'avoir rencontré dans les années 70 À l'époque où donc la Chine était en pleine révolution culturelle, fermée, personne ne pénétrait dans ce monde étrange, un jour une délégation chinoise est venue à Orsay, et puis j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais à Saclay, et on m'a dit qu'il y avait un Chinois qui voulait me voir. Je n'avais jamais entendu parler de lui, je suis allé le rencontrer à Orsay à côté, et je suis tombé sur quelqu'un qui débarquait de la Lune. C'était la révolution culturelle, comme tous les intellectuels, il avait été puni, sa famille avait été séparée, c'est devenu un ami proche. Et donc, il avait survécu dans ses campagnes en essayant de faire ses calculs de groupe de renormalisation. Il avait eu connaissance, je ne sais pas très bien comment, de cette chose nouvelle. Et il se trouve que il avait fait des calculs très semblables à ceux que j'avais fait à l'époque, et donc il voulait absolument me rencontrer. On s'est rencontrés un peu clandestinement parce qu'il était dans une délégation officielle qui n'était pas du tout là à l'époque, la Chine ne plaisantait pas. Et ça m'a quand même beaucoup... Nous sommes devenus immédiatement amis, et je suis toujours ami avec lui, 30 ans plus tard, ou presque 25 ans plus tard. Et vous voyez, le fait d'avoir quelqu'un qui était passé dans une expérience tellement différente, tellement étrange, et pourtant nous partagions immédiatement la même langue, les mêmes préoccupations, c'est quand même un lien fort. Et on a parlé évidemment après d'autres choses que de simplement nos calculs, même si ça nous arrive encore d'en parler. À voix nue, Édouard Brézin était au micro de Caroline Brouet, le deuxième volet de la série de la physique avant toute chose. Première diffusion sur France Culture le 30 avril 2002. Et tout de suite, voici le troisième volet de cette série d'À voix nue. Au micro de Caroline Brouet, Édouard Brézin, les années CNRS. Édouard Brézin, hier, nous nous sommes arrêtés à votre travail au sein de l'École normale supérieure. Vous avez dirigé les laboratoires de physique de 1986 à 1991. En 1991, vous redevenez chercheur à plein temps, mais pour peu de temps, puisque dès 1992, le ministre de la Recherche, Hubert Curien, vous nomme président du conseil d'administration du CNRS, poste que vous avez occupé pendant 8 ans. Eh bien, c'est de ces 8 années que j'aimerais que nous parlions aujourd'hui, ce que j'ai appelé les années CNRS, et qui nous donneront peut-être l'occasion d'évoquer plus largement les rapports compliqués entre science et politique. Là, pour commencer, Édouard Brézin, dans quel état est le CNRS quand vous arrivez à sa tête en 1992 ? Le CNRS est en bon état. Je dois dire que j'hésite un peu. J'ai aucune envie de quitter mon laboratoire. D'ailleurs, je ne le quitterai pas. Pendant toutes ces années, j'étais enseignant. J'ai fait tous mes cours. Et j'ai continué à faire la recherche, évidemment, peut-être de manière moins active, ou en tout cas plus en extrapolant peut-être sur le passé qu'en innovant, mais je n'ai jamais quitté le labo. Donc, quelles sont les raisons qui me conduisent à accepter? 92, c'est un moment d'inquiétude. Nous sommes à la veille d'échéances électorales. Il est très souvent arrivé que le CNRS fasse l'objet d'impatience sommaire, en particulier de la droite. Hein. Il y a eu des menaces explicites sur le CNRS. Et d'une certaine façon, j'imagine que si Hubert Curien fait appel à moi, c'est parce que Je suis à l'évidence un chercheur qui n'est pas d'autre vision que celui de la science. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un... Bon, il y a des professionnels de l'administration de la recherche et qui, d'une certaine façon, tout le temps ma motivation, ce sont des gens qui perdent un peu leur liberté dans la mesure où ils ont quitté leur laboratoire, qui ne veulent plus y retourner, qui ne peuvent plus y retourner. Ils sont à la merci pour leur poste suivant de la faveur du prince, et donc ont perdu leur liberté d'appréciation. Et j'imagine que, d'une certaine façon, c'est parce que j'apparais comme un homme indépendant de tout ça et libre. Enfin, je me flatte, mais je crois que je suis resté libre. Donc voilà la perspective. Le CNRS va bien, mais évidemment, il y a une analyse sur son évolution que tous les chercheurs se font avec des appréciations différentes, mais j'en ai une évidemment. Je tiens le CNRS pour infiniment précieux, une création. Peut-être faut-il revenir à l'histoire peut-être, du CNRS peut-être. Pour bien comprendre sa situation. Parce que c'est vrai que l'organisation de la recherche en France est singulière. Très peu de pays ont choisi ce mode d'organisation. Beaucoup ne cessent de répéter le CNRS, dernier empire stalinien, debout. Hein, je cite des phrases que j'ai entendues de gens de la droite en général, et c'est parfaitement injuste. Donc il faut revenir aux raisons qui conduisent à la création du CNRS et à son évolution. Vous le rappeliez hier, il a essentiellement été construit pour combler les lacunes de l'université française. Voilà, et donc l'université française, n'ayant que assez peu de tradition de recherche, ou de manière plus accidentelle qu'organique, Les grands scientifiques qui étaient toute la descendance des Curie, Joliot, Perrin, Langevin, etc., Auger, plaident pour la création d'une institution nouvelle destinée à soutenir la recherche et la créer en dehors complètement de l'université, avec des campus propres du CNRS qui n'ont aucun lien avec l'université. Et au bout d'un certain nombre d'années, le CNRS se rend compte que c'est une mauvaise situation. Et en 63, sous l'impulsion d'un directeur du CNRS, maintenant toujours là, Monsieur Jacquinot, le CNRS décide de construire des ponts, des associations avec l'université. Et c'est le cas maintenant de presque tous les laboratoires du CNRS qui sont à 90% des... Ce qu'on appelle des laboratoires associés. Des laboratoires associés, mixtes, il y a beaucoup de noms, mais ce sont des laboratoires en partenariat. Et donc, ça va avoir une influence très profonde sur l'université et la recherche en France. C'est une décision capitale, essentielle et très bénéfique. Et c'est grâce à ça, sans doute, que l'université en France va réussir à créer partout en France des enseignements au moins décents dans les sciences qui n'existaient pas quand moi j'étais étudiant, ou en gros quand j'étais étudiant pour en dehors de Paris, Grenoble, Marseille, peut-être un peu Strasbourg, et encore je suis pas sûr, il n'y a pas moyen d'étudier de la physique moderne. Donc la France est complètement sortie de tout ça, et c'est, je crois, beaucoup grâce à cette décision de 63 qu'elle le doit. Donc le CNRS va bien, le CNRS recrute des gens de très haute valeur. J'entends parmi tous les jeunes gens et jeunes filles qui souhaitent faire une carrière dans la recherche fondamentale, comme on dit, c'est-à-dire de base, non finalisée. La plupart de ceux qui le peuvent entrent au CNRS, c'est-à-dire que les charges des jeunes enseignants, et je vais y revenir, sont si lourdes, si pénalisantes. L'université comporte, en plus de l'enseignement, tant de tâches difficiles à assumer que la plupart de ceux qui le peuvent entrent au CNRS. Donc la qualité des gens est absolument indubitable. Et je crois que les 11 500 postes de chercheurs du CNRS et puis les 15 000 postes d'ingénieurs techniciens et support administratif sont essentiels pour notre pays. En revanche, quand j'entre dans cette fonction, je suis convaincu que les équilibres sont à repenser. Et l'une de mes grandes déceptions sera de me rendre compte à quel point le système est difficile à faire bouger dans toutes les directions, tant le milieu que le monde politique ne souhaitent pas vraiment se poser les questions de base auxquelles moi j'étais attaché. Donc ce sont des années... Oui, parce qu'il faut dire que si votre premier mandat était relativement calme, oui. Au cours de votre deuxième mandat, vous avez eu à gérer le vaste projet de réforme proposé par le ministre de l'Éducation et de la Recherche d'alors, Claude Allègre. Le ministre voulait alors, il faut peut-être dire un mot de cette cette réforme. Il voulait redéfinir les statuts et les missions des organismes publics, des organismes de recherche publique, dont le CNRS. Et c'était une ambition sans doute louable et même nécessaire, on va y revenir. Mais il s'est heurté à une levée de bouclier de nombreux chercheurs. Son projet a provoqué un important débat au sein de la communauté scientifique avant que certains volets ne soient finalement acceptés en mars 2000. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels souvenirs vous gardez de ces années, peut-être de tempête, de ces années difficiles? Et puis on reviendra ensuite sur cette réforme plus en détail. Est-ce que c'est un bilan pour vous, Édouard Brézin, plutôt positif, ou est-ce que vous en gardez un souvenir amer? Non, j'en garde un souvenir plutôt amer, plutôt difficile, même si in fine nous sommes arrivés un tout petit peu à faire quelques petites réformes sur les statuts du CNRS. Mais non, nous allons être dans une situation extraordinairement difficile, avec beaucoup d'ambiguïté, d'incompréhension. Claude Allègre est un réformateur, mais très souvent brouillon, maladroit. Il est capable, même lorsque ses idées sont justes, de se tirer dans le pied, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire d'être tellement agressif et maladroit que même lorsqu'il a raison, il braque tout le monde et finalement rien ne se fait. De surcroît, il n'aime pas le CNRS. Ça n'est pas du tout mon cas. Mon cas, moi, je suis convaincu que nous avons grand besoin en France du CNRS et qu'on peut beaucoup mieux l'utiliser qu'on ne le fait. Mais lui, qui croit en l'université, et là, je le respecte, je suis moi-même universitaire et je suis très heureux que l'université ait fait tant de progrès que j'ai vu de mes années donc de professionnel. Donc, ce n'est pas que je n'aime pas l'université, mais je ne crois pas qu'on fasse du bien à l'université en tapant sur le CNRS. C'est-à-dire que moi, je ne les oppose pas. Je veux qu'au contraire, le CNRS soit, d'une certaine façon, une aile marchande de l'université dans un mode de fonctionnement qui est différent de celui que nous connaissons actuellement et sur lequel je vais revenir dans deux minutes, alors que nous vivons avec Claude Allègre visiblement des attaques, une impatience. Il trouve qu'il y a beaucoup trop de chercheurs en France, ce qui n'est pas mon avis. Et donc, il n'y a pas assez de mobilité des chercheurs vers l'industrie, vers l'enseignement, c'est l'un des points de... Oui, vers l'enseignement, certainement. Vers l'industrie, c'est vrai qu'il fera passer une loi sur l'innovation, qui est une bonne loi, qui permet les choses qui avant étaient difficiles et interdites, ou qui conduisaient même des chercheurs qui avaient envie de valoriser leur recherche à se mettre dans des situations d'illégalité alors qu'ils avaient entièrement raison. Donc, ça, c'est une bonne réforme. Sur donc la mobilité avec l'université, quelques petites réformes sont commencées pendant le mandat de ministre de Claude Allègre. Hélas, beaucoup d'entre elles, qui étaient de bonnes réformes, alors cette fois-ci des projets que j'approuvais entièrement, sont restés complètement, se sont enlisés. Après son départ, on a redivisé le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque l'enseignement supérieur est passé sous la coupe du ministère de l'Éducation nationale, alors que la recherche est un ministère séparé. Or, un nombre considérable de choses à faire, et qui étaient projetées, et qui concernent les jeunes enseignants en particulier, dont je vous parlais tout à l'heure, se sont perdus, et c'est, je trouve, très dramatique. Je trouve que c'est une des choses les plus urgentes à faire en France, mais apparemment, je n'en vois plus aucun signe aujourd'hui. Donc, moi, dans mes motivations, et je voudrais revenir à ça tout de même, on recrute là des gens, encore une fois, tout à fait remarquables. La qualité est incontestable. Mais je ne crois pas, je continue à ne pas penser, à croire que faire 30-35 années de carrière dans un organisme où on ne fait exclusivement de la recherche, alors beaucoup d'entre eux enseignent, me dira-t-on, mais c'est de l'enseignement en général de troisième cycle, c'est l'enseignement de recherche, c'est pas vraiment de l'enseignement au sens conventionnel. Je ne crois pas que ce soit très équilibrant, et finalement, même pour l'intérêt de la recherche, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Donc ça, c'est le premier volet. symétriquement, je trouve que les jeunes maîtres de conférences sont fusillés par le système actuel. Ils ont des charges, encore une fois, beaucoup trop lourdes s'ils veulent faire de la recherche. Ils ont des enseignements nouveaux à monter. Souvent, ils arrivent dans un endroit complètement différent de celui où ils ont fait leur thèse ou leur post-doc. Et donc, il faut monter des expériences nouvelles pour les expérimentateurs. Donc, beaucoup d'entre eux vont se noyer de manière irréversible, alors que, bien évidemment, une autre lecture du CNRS pourrait permettre de modifier ça totalement. Finalement, nous avons une population en France de personnes concernées par la recherche, si on ajoute les chercheurs plus les enseignants, qui est de l'ordre de 50 000, il y a 11 500 postes. Le meilleur système du monde serait celui où ces 11 500 postes permettent aux gens qui ont les plus créatifs, qui ont des programmes soumis à des commissions d'experts, bien évidemment, il faut une expertise par les pairs, mais après soumission, ont du temps, pendant un certain nombre d'années, des décharges partielles qui leur permettent de poursuivre ces programmes de recherche. Donc, le CNRS devrait être ce qui permet aux gens les plus créatifs de s'exprimer pendant des périodes déterminées. Et malheureusement, on ne peut pas changer d'un seul coup. Imaginez que je ne crois pas qu'il faille fondre les deux corps, je ne crois pas que ce soit ça, mais nous arrivions justement à une période où la démographie le permet. C'est-à-dire que la structure démographique du CNRS fait que les départs à la recherche, les départs à la retraite sont maintenant abondants et permettraient à la fois de recruter dans les conditions antérieures des chercheurs permanents et d'autre part de garder des postes d'accueil pour universitaires à temps partiel, ça peut être des accueils à mi-temps, nombreux, qui permettraient de changer assez sensiblement la situation des jeunes universitaires. Bon, malheureusement, ni d'un côté ni de l'autre, c'est pas ça qui est en train de se produire. Allègre, lui, disait, s'il y a des postes qui se dégagent, on diminuera le CNRS. Ça n'était pas mon avis. Il ne s'agit pas non plus, pour vous, de remettre en question le statut du chercheur à plein temps et à vie. La mobilité n'est pas incompatible. Non, il ne s'agissait pas de l'interdire, mais on pouvait dégager de l'ordre de 200 à 300 postes par an pendant 5 ans, et si on imaginait que c'était des postes, de détachement à mi-temps, quelque chose comme ça, on pouvait avoir de l'ordre donc entre 1000 et 2000 jeunes enseignants en particulier, ou en tout cas personnes qui, issues du milieu universitaire, avaient les périodes CNRS et qui changeaient complètement l'équilibre actuel que nous avons entre le hasard de la trajectoire initiale, finalement, qui va faire que certains vont passer leurs 35 ans d'un côté et d'autres leurs 35 ans de l'autre. Bon. Donc, au bout du compte, vous voyez, j'ai fait des petites choses, j'ai essayé de faire dans des périodes dangereuses que l'organisme ne soit pas écrasé. J'ai contribué comme j'ai pu. Mais ça n'est pas du tout les questions de fond, de base sur la recherche française que je croyais qu'on pouvait se poser à ce niveau-là. N'ont été que très très peu abordées. Donc voilà ma déception. Une déception également de voir à quel point, je ne le soupçonnais pas, le pouvoir politique de droite comme de gauche cette fois-ci, a un pied lourdement posé, constant, appui sur l'organisme. Il est l'expression de la volonté nationale démocratique, c'est vrai. Il doit donner des orientations. Ça fait partie des missions du CNRS. Il fait des recherches en accord avec les besoins de la nation. Tout ceci est légitime. Et donc, on doit nommer les responsables au CNRS. Et puis, si ces responsables ne font pas ce qui leur est demandé, on peut les remplacer tous les mercredis en Conseil des ministres. En revanche, il faut leur laisser une certaine liberté d'action. Or, il y a un pilotage, il y a un micro-pilotage jaloux que je ne soupçonnais pas. Chacun des conseils d'administration du CNRS et de tous les grands organismes est précédé d'une revue de détails entre les services du ministère et les services de l'organisme. Alors on dira c'est nécessaire, l'État est le bailleur de fonds et donc on peut pas faire n'importe quoi, c'est vrai. Mais ça va jusqu'à un point extravagant où, en principe, le conseil d'administration, son président en tout cas, est maître de l'ordre du jour. Et s'il décide de mettre en débat une question sans incidence budgétaire par exemple, qui concerne les grands principes, il y a des oppositions épouvantables, le ministère ne veut pas en entendre parler, quelquefois j'ai accepté, quelquefois je n'ai pas accepté. On entre dans des situations de tension absolument invraisemblables. Et donc, je trouve que ça n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Voilà un certain nombre de points. J'ai essayé de faire que le conseil d'administration soit moins marginalisé, c'est-à-dire que il puisse être amené, qu'il soit dans les conditions de se poser les vraies questions de fond dont je parlais tout à l'heure, même si la direction, quelquefois, ne le veut pas. Vous parliez du fait que le ministère mord un peu sur les prérogatives, sur ses prérogatives en matière de politique de recherche. Il y a quelque temps, la Cour des comptes a rendu son rapport 2001. Et dans ce rapport, elle a reproché au CNRS une absence de stratégie. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette notification un peu sèche de la part des magistrats financiers ? Est-ce que c'est son rôle ou est-ce que, là encore, on peut estimer que la Cour des comptes dépasse sa mission ? Il faut que je le lise, ce rapport. Le compte-rendu que j'en ai lu m'a beaucoup surpris. En d'autres termes, quand la Cour des comptes se prononce sur la gestion des crédits et du CNRS, nous écoutons, elle est dans son rôle, nous savons combien il y a besoin de moderniser cette gestion, d'ailleurs pas simplement à l'intérieur du CNRS, quand même actuellement les règlements de la fonction publique font quand même faire courir les chercheurs français avec du plomb dans leurs semelles dans une compétition olympique. Donc il n'y a pas qu'à l'intérieur du CNRS qu'il faut regarder, mais là la Cour est entièrement dans son rôle. Lorsqu'elle parle d'action stratégique, je trouve qu'elle a partiellement raison, mais que les exemples que j'ai pu lire dans les journaux, dans les comptes rendus, sont mal choisis. Alors, il est vrai que le CNRS a eu un schéma stratégique et qu'il a ensuite disparu et je l'ai regretté. Il est clair qu'on ne planifie pas les découvertes. Il y a toujours une ambiguïté sur ce que veut dire stratégie. Personne n'a jamais planifié les grandes découvertes. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Mais il est clair qu'il faut, même si on veut laisser des espaces de liberté, il faut les prévoir. Si on n'a pas planifié quelque part qu'on va laisser un espace de l'argent disponible pour les gens qui auraient une idée auxquelles on n'a pas pensé, eh bien cet argent n'existera pas. Donc, quand bien même serait-on partisan de la liberté absolue, il faut le prévoir. Et sans doute, le CNRS n'avait pas assez clairement affiché ses ambitions. Cela dit, il faut se méfier un tout petit peu. Il suffit pas de dire, d'afficher une stratégie pour qu'elle soit réelle. Et c'est là où les commentaires de la Cour ont commencé à me gêner un peu. Il suffit pas de dire, le CNRS a enfin créé un département des technologies de l'information et de la communication. Enfin, il y a une stratégie scientifique, pour prétendre que on a fait une œuvre positive. Il faut regarder un tout petit peu ce qui a été fait derrière. Pour ne rien vous cacher, j'ai quelques préoccupations sur ce qui a été fait. Donc, j'avais quelquefois, en lisant ces brefs comptes rendus, je me disais, mais dans le fond, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait affiché une stratégie et peu importe quel est son contenu, s'il est positif ou négatif, du moment qu'on l'a affiché. Autrement dit, j'aimerais que il soit clair pour tout le monde que sur les problèmes de leurs compétences, nous respectons entièrement leur avis, il faut en tenir compte, il faut les écouter. Et j'ai envie de dire, en allant un peu vite, mais sur les autres, écoutez mes chers amis, vous n'y connaissez rien, et arrêtez. Est-ce que la situation de la France est plutôt honorable en matière de recherche ? Est-ce que la recherche est assez soutenue par rapport aux autres pays, Édouard Brazin ? Je la trouve préoccupante. Il y a de bons chercheurs. La France a a le rôle qu'on peut attendre de son poids démographique, culturel, scientifique dans le monde. En revanche, depuis maintenant pas mal d'années, je trouve que la recherche publique, les enjeux de la recherche publique sont mal compris du pouvoir politique, à droite et à gauche. Et dans ces conditions, alors que les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne ont beaucoup renforcé leur soutien à la science, je trouve qu'en France, nous sommes de plus en plus menacés. Nous perdons des gens extrêmement brillants, sans même nous en rendre compte, les gens sont plus mobiles maintenant. Ils s'en vont. Et même, il y a une fuite avant même d'entrer dans la recherche. Les jeunes gens et jeunes filles de qualité qui sont tentés par la recherche voient des carrières tellement difficiles et peu encouragées et encourageantes que finalement ils s'en détournent. Et donc, c'est même pas une fuite, c'est un détournement avant même de s'y engager. Par exemple, le soutien à la biologie actuellement aux États-Unis a augmenté de manière gigantesque et les biologistes français ont souvent le sentiment qu'il ne leur restera plus rien, plus aucun moyen de conduire des recherches compétitives face au déséquilibre qui s'est installé. Et j'espère que la recherche publique va reprendre une croissance qui lui fait fortement défaut. C'était le troisième volet d'une série d'Avoix Nues consacrée au physicien Édouard Brézin, les années CNRS. Réalisation Bruno Sourcy. Ces trois premiers volets ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 29 et 30 avril et le 1er mai 2002. À suivre les 4e et 5e volets, approche scientifique et esthétique du monde, puis beauté de la recherche, art de la physique. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».